Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours notre dirasa de ce livre qui est Stillel à la caisse de l'Atfal, puis Kitab Sirah, puis Maya Talak du Sahaba, puis Eders Athamin au Sobein, 78e leçon. Qala, puis Souel, Khamis Achar, Bad Khamsamia, 515e question. Yakul, Manuhum, Qawad Razwat Mouta, qui sont les généraux de la bataille de Mouta, ceux qui étaient les chefs de cette conquête. Il s'agit de Zayd ibn Haritha, de Ja'far ibn Abi Talib et de Abdullah ibn Rawaha. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, akhadha ar-raya Zayd fa'usiba, thumma akhadha Ja'far fa'usiba. ثم أخذ ابن رواحة فأصيبه فوعيناه تذرفان حتى أخذ السيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم يعني خالد بن وليد على الحديث رواه البخاري qui le dit lorsqu'il envoyait justement cette à la base le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un messager vers les Romains et ils ont tué le messager donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses troupes vers eux. Et donc il avait mis à leur tête ces trois sahabis. Il avait dit si chacun d'entre vous venait à mourir, l'autre le remplacerait. Donc il dit que l'étendard a été pris par Zayd, qui a été tué. Après, il a été pris par Ja'far, qui a été tué. Après, il a été pris par Abdullah ibn Rawaha, qui a été tué également. Et par la suite, et là, le Nabi s'est mis à pleurer, après avoir dit cela. Après, il a dit que l'étendard a été pris par une épée parmi les épées d'Allah Azzawajal. Il sait ce que Allah leur accorda la victoire. Et cette victoire, c'est le fait d'être sorti au milieu de leurs ennemis qui étaient plus de 300 000, comme on l'a cité dans un verse précédent. Et cet homme-là qui a pris l'épée, c'était la Saif Allah, c'était Khalid ibn Walid. Et on en a déjà parlé donc il y a quelques jours passés. Thumma qal, man as-sahabi allazi lahu janahan fil jannah yatiru bihima. Qui est celui qui a, le sahabi qui a deux ailes au paradis avec lesquelles il va voler. Il s'agit de Ja'far ibn Abi Talib. سيد جعفر بن أبي طالب. كما في الحديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحيه. Qu'il a dit j'ai vu Ja'far ibn Abi Talib comme un ange qui vole avec les anges avec deux ailes. Et cela pourquoi? Du fait que lorsque dans la bataille de Mouta, une fois qu'il avait pris l'étendard, il s'est fait couper une main. Il a pris avec l'autre main, il s'est fait couper l'autre main. Après, il a tenu comme il pouvait avec ses biceps, peut-être ses avant-bras, je ne sais pas exactement comment il avait été mutilé. Et là, il a été tué. C'est-à-dire, ses deux mains ont été coupées pendant cette bataille-là. Radhiyallahu anhu. Thumma qala fi as-su'al as-sabi' 'ashar bat 500. 77e question. Man huwa as-sahabi alladhi ja'a ismuhu fi al-Qur'an? Qui est le compagnon dont le nom a été cité dans le Coran? C'est Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui était considéré comme étant le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le dalil, c'est qu'au Ta'ala, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَى زَوَّجْنَكَهَا en surat al-Ahzab, verset 37. ثُمَّ قَالَ فِي السُّؤَلْ تَاسِعَ عَشَرَ بَعْدَ 500. 519e question. مَنْ هُوَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنِ حِبِّهِ. Qui est celui que le Nabi sallam aime et dont il aimait le père également. Il s'agit de Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, cela était connu, qu'il était nommé comme étant Hibb Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn Hibbi. Et pour ceux qui seraient des gens qui ont tendance, on va dire, raciste ou trop, on va dire, comment dirais-je, superficiel, Zayd était un homme noir de peau, même très foncé de peau. D'accord? Zayd était un homme très foncé de peau. Et malgré cela, il était parmi les gens que le prophète aimait le plus, lui ainsi que son père. Et il avait l'histoire justement de Fatima. Je crois que c'est Fatima, je ne sais plus c'est quel Fatima. Bref, dans laquelle elle disait que Muawiyah et un autre sahabi, Abu Najm, je crois, lui avait demandé la main. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Muawiya n'a pas d'argent. Il lui a conseillé. Il n'a pas d'argent. C'est-à-dire que tu auras des attentes d'un mari que Muawiya ne pourra pas te donner. Et l'autre, c'est un homme qui frappe les femmes. Donc il a dit, Ankihi Usama. Il lui a dit, Marie-toi avec Usama. Au début, elle dit que ça ne lui a pas plu cette idée-là. Mais, comme ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a obéi. Et elle a dit, par la suite, elle a trouvé le meilleur des maris qui puisse. Qui était Zayd ibn Usama. Osama ibn Zayd, après. Osama ibn Zayd. Et là, ce hadith-là ne veut pas dire que une femme ne choisit pas un mari parce qu'il n'a pas d'argent. Là, ça a été expliqué comme quoi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait cette femme-là et savait qu'un homme sans argent, elle ne supporterait peut-être pas. Alors que d'autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, lorsque cette femme est venue pour se présenter à lui pour se marier et qu'il a refusé, qu'il n'était pas intéressé, un homme a dit, si tu ne la veux pas, moi je la veux. Il a dit, elle l'a kamin shayla, as-tu quelque chose pour son mari? Il dit non, je n'ai rien. Il a dit, wallo, khatam min hadid, même ne serait-ce qu'un anneau d'enfer. Il a dit, je n'ai pas. Et après, il lui a dit, est-ce que tu as du Coran avec toi? Il lui a dit, non, mais j'ai appris telle et telle surat. Il lui a dit, je te marie avec elle en échange que tu lui as pris cette surat-là. Cet homme-là n'avait rien du tout. Même pas un anneau une bague de fer à lui donner en mari. Et pourtant, Nabi Sallam l'a marié avec elle. Donc ne pas croire que le hadith de Fatima est une hujja pour dire que l'homme qui n'a pas d'argent ne le marie pas. Non, ça c'était un cas particulier pour elle. Car des fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un jugement en connaissance de cause de la personne qui lui parle. Des fois des sahabas demandent des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient telle chose, et d'autres telle chose, et d'autres une chose différente. D'accord ? Et selon le besoin du questionnaire. Et kazalik, cet homme qui frappait les femmes, il y a des femmes peut-être qui supporteraient, ou peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voit que elle méritait de se faire frapper peut-être pour qu'elle puisse obéir. Car des femmes, la douceur ça marche, et d'autres, malheureusement, c'est, on va dire, les coups à porter de façon légiférée sont une solution pour la rendre plus correcte. Sans quoi, cela aurait été interdit. Alors que dans le Coran, c'est venu d'abord de l'exhorter, puis de lui faire le hajj, puis la dernière solution, de la frapper. Et il y a des femmes, c'est ça qui marche avec elles, à l'asaf. Donc ne pas croire que, ne pas prendre ce hadith et mal le comprendre. Et dans ce genre de situation, il faut demander aux ulama, ils expliquent bien les hadiths pour que non pas qu'on se prenne des ambiguïtés et qu'on ne comprenne pas les choses et qu'on l'applique après de façon erronée. Non. Thumma qala fi su'al 21 min 500. 521e question. Il dit, cite certains des sahaba qui sont devenus aveugles. Certains l'étaient du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres le sont venus par la suite. Et il y a un hadith qui est venu, selon Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah Iz ibtalaytu abdi bi habibatayhi fa sabar, awadtuhu minhuma bil jannah. Yani aynayn. Il disait, mais j'éprouve mon serviteur par ces deux choses aimées, c'est-à-dire ces deux yeux, mais qu'il patiente et qui cherche la récompense, je le remplacerai ces deux yeux-là par le Jannah, par le paradis. Donc c'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jal, quand même, par laquelle il élève ses serviteurs en degré. Ce n'est pas, ça peut être un malheur pour certains, d'accord, et pour d'autres, c'est une épreuve qui les élève en degré. Il leur pardonne leurs péchés et leur permet de rentrer au Jannah. Et montre de leur valeur, de leur force, de leur patience. Donc parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient devenus aveugles, mais il cite Ibn Abbas. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, par la suite, est devenu aveugle. Ibn Omar, radhiyallahu anhu, le fils de Omar également, qui par la suite est devenu aveugle. Et Ka'b ibn Malik, celui qui n'avait pas assisté à la bataille de Tabouk, dont on avait parlé auparavant, lui aussi est devenu aveugle. Et Hassan ibn Thabit, lui aussi. Et Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Abdullah, qui est devenu aveugle. Il avait également wa ibn Maktoum. Lui était déjà aveugle du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui son deuxième azim. Il y avait lui et Bilal qui faisait la vanne. Et Utban ibn Malik. Et il y en avait d'autres. Il y avait également Abdullah ibn Amr, qui était devenu aveugle par la suite en grandissant. Non. هذا الذي أردنا اليوم والحمد لله رب العالمين